merveilleux quand on ferme les yeux. Le monde est merveilleux si on part un peu. Le monde est merveilleux, les aborigènes qui écoutent le ciel et envoient des messages aux griots. Choristes tristes et en larmes, ils s'échangent des nuages, des couleurs et des mots. Histoire issue de rage, et tout ça, les yeux clos. Le monde est merveilleux quand on ferme les yeux. Le monde est merveilleux quand on part un peu. Le monde est merveilleux, sans que cela ne gêne les troupeaux d'iris, jugeant par jumelles les plus beaux défauts, violant l'odeur des sensations de tout esprit, des senteurs qui s'oublient, des senteurs uniformes, uniformes, uniformes et armés. Sur les sables les plus chauds, brûlant l'esprit de l'écumé, infiltrant les racines, pleurant de leurs yeux clos, où odeurs et nausées abondent, et tout ça, et tout ça, et tout ça.